Chapitre 2. Le château du reliquaire. Le petit train prochait de la station de Maubuisson et, à la grande courbe, ralentissait déjà. Dans un de ses compartiments de première classe, Henri Delbon, renfoncé dans un coin, rêvait un peu. Et, vite essuyé d'un revers de manche, pour dissiper la buée, il regardait fuir le paysage qui semblait se dérober à une infatigable poursuite. Malgré que l'on fût en octobre, on aurait cru la campagne touchée par le Noël des légendes. La neige chue, dense et serrée pendant presque toute la journée, couvrait le sol, enveloppait les branches de son tricot immaculé, emmaillotait les buissons, épaississait le silence qui se déchirait au passage du convoi pour régner ensuite plus solennel. L'ingénieur ignorait tout de sa prochaine résidence, du lieu où elle se trouvait, de son aspect. Son imagination avait donc beau jeu à se la représenter sous chaque toit qui se reflétait à la hâte dans ses prunelles. Somme toute, il convenait de sourire à ce que la fantaisie de Feu Delorme apportait d'imprévu, dans une existence au passé déjà fertile en incidents de toutes sortes. Un an s'écoulerait vite, d'ailleurs, et Delmont n'avait-il pas connu autour de lui la solitude autrement impressionnante du désert ? Par surcroît, il ne considérait pas l'épreuve sous un jour désagréable. La tournure de son esprit, à ce moment, lui permettait d'envisager sans répugnance un isolement qu'il pensait peuplé de chimères, à sa guise. Quel esprit, même positif, ne s'en découvre pas à caresser ? Surtout quand vient de sonner l'heure redoutable de la trentaine et que, faute d'un aliment, la fantaisie demeure oisive. Avec un frémissement de roue, le train ralentit et stoppa dans la petite gare déserte où, dans la nuit presque tombée, vibrait mélancoliquement la sonnerie de la trembleuse. L'unique homme d'équipe s'affairait à traîner un diable chargé pour la forme de quelques colis. Delbon lui remit son ticket et chercha quelqu'un des yeux. Il était le seul voyageur au milieu de deux ou trois femmes qui se dispersèrent aussitôt dans des directions divergentes. Un gaillard, robuste d'encolure, qui jusqu'alors, indifférent au froid très sec, fumait sa pipe à côté contre la barrière, l'aborda en traînant les pieds. « Monsieur Henri Delbon, n'est-ce pas ?» Et sans attendre de réponse, il avança une large main pour s'emparer de la valise. « Lui-même, » confirma l'ingénieur. « Je m'en doutais, » dit l'homme. « Veuillez me suivre. Mais auparavant, laissez-moi une petite minute que je vous allume ma lanterne. L'obscurité se habite là. Nous avons bout de chemin à travers près, et il ne faut point trop compter sur le clair de lune. » La lanterne allumée, l'homme la leva à la hauteur de son visage pour s'assurer qu'elle fonctionnait sans un écroche, et dans une sorte d'éclair, Delmont put discerner ses traits. L'impression fut défavorable. Sous le bonnet de laine grise aux oreillettes rabattues, le front réduit de moitié prenait une apparence simiesque. La mâchoire saillait en galoche, les yeux minuscules s'enfonçaient dans des orbites trop profondes que dissimulaient plus encore d'épais sourcils embroussaillés. Avant de se mettre en marche, l'homme parut vouloir réparer un oubli et il se nomma. Il le fit posément, lentement, comme si pour assembler les mots, un travail patient, minutieux, lui eût été nécessaire. Il n'ignorait pas, à coup sûr, que le temps lui appartenait, et que l'avenir est souvent aux gens qui ne sont pas pressés. « On m'appelle Bernard, » émit-il, « Bernard Prosper, pour vous servir, comme l'a voulu défunt monsieur. »« Vous savez, » constata Delbon. Mais son guide n'était pas loquace. Il se mit en marche, sans répondre, d'un pas relativement rapide. « Quel ours !» songea l'ingénieur, « moi qui compte un peu sur lui pour me distraire. Ça sera gai. » Silencieux donc, l'un suivant l'autre, les deux hommes longèrent quelque temps la grande route qui, désolée et glaciale, faisait souhaiter une veillée au coin de l'âtre. La neige durcie cristalline craquait sec sous les semelles. Un chemin montant de traverse s'offrit, sorte de couloir entre des buissons épineux dressés comme des parapets. La lueur de la lanterne, balancée régulièrement, enfonçait des pointes de lumière dans la nuit et se dépêchait de les retirer, comme troublée par la menace des ténèbres. Un peu agacé par la bise qui lui pinçait l'épiderme, peut-être aussi à la pensée d'un tête-à-tête obligatoire avec un être antipathique, Delmont tira une cigarette de son étui et l'alluma à l'amadou de son briquet. Fumeur, appréciant les délices que procure le tabac blond, il se sentit beaucoup moins seul. On avait pris un sentier à travers champs et on longeait un mur de clôture élevée. Tout à coup, Bernard s'arrêta, fouilla avec le même calme exaspérant dans l'une de ses poches, en tira une clé, se pencha. Il fallait bien connaître la porte qu'il ouvrit, pour la retrouver sans de trop longues hésitations, tant elle s'identifiait aux pierres. « Par ici, c'est le plus court. Vous êtes chez vous. » Et sentencieux, il ajouta, « 100 mètres gagnés, 20 sous de moins en cordonnier. » Non sans enfoncer quelque peu, les deux hommes déballèrent alors à travers un bois où croissaient des pins et des sapins pressés. De leur rampe, qu'on eût craint trop frêle, les uns soutenaient leur parasol alourdi encore par la neige, les autres, inlassables, allongeaient leurs rameaux, semblant inviter les passants à y accrocher des cadeaux pour les enfants sages. Dans le ciel, clair à présent et débarrassé de nuages, la pleine lune apparut verser à flots sa douce clarté. Et elle éveillait chez Delbon des songes comme ceux qu'il poursuivait jadis dans son adolescence, quand des rayons, bleus eux aussi, se posaient délicatement sur sa couchette au collège. Bernard rompit ses trébasseries en annonçant « Nous y voilà !» Ils avaient atteint une sorte de clairière circulaire, par opposition au sombre moutonnement des pinières qui l'entouraient. La façade de la demeure où allait résider l'ingénieur paraissait ruisselante de clarté. Le domestique expliqua « Elle n'est pas encore terminée. La mort a surpris trop tôt ce pauvre défunt monsieur. Ça se voit, » constata Delbon. Et il se demanda vraiment si, humoriste d'outre-tombe, son grand-père n'avait pas voulu l'obliger à gagner son legs à force de bonne humeur patiente. Le logis, à première vue, n'avait rien du tout d'engageant, et l'on devait s'y attendre à mille incommodités. On n'avait pas touché au pavillon central, probablement très ancien et taché de lichen, mais on y avait surajouté de chaque côté des ailes en hémicycle. Avec les ouvertures béantes de ses fenêtres, celle de droite ne paraissait point habitée. Celle de gauche faisait meilleure figure. Néanmoins, un échafaudage y était toujours suspendu. Assez mal prévenu par ce rapide coup d'œil initial, l'ingénieur soupira. « Entrons !» Au pied du perron, il remarqua une niche. Il s'en approcha, tira la chaîne, à l'extrémité de laquelle se trouvait encore le collier, et interrogea. « Il y avait un chien. Qu'est-il devenu ?» Le serviteur répondit avec embarras. « Oui, monsieur. Oh, un joli Saint-Bernard, à long poil et à formidable gueule. On l'a empoisonné. Qui ça ? Sait-on ? Des gens du pays ou des nomades ? Ah ah !» s'exclama Delbon, sans trahir autrement les hypothèses suggérées. Précautionneusement, Bernard éteignit sa lanterne, commentait. « Il n'y a pas de petites économies, même de bout de chandelle. » Et il pénétra le premier dans l'étrange habitation. S'ouvrait d'abord un vaste hall qui, le commutateur tourné, parut encombré de gravats, d'outils de maçon et d'un sac éventré d'où coulait du plâtre. Une grande cuisine y donnait, dont la porte était absente, caprice ou inachèvement, et qui avait l'aspect rustique d'un intérieur de chalet suisse. Un pétrin s'appuyait au fond, en face d'un dressoir aux faïences d'une charmante naïveté. À l'angle, un coucou dont l'oiseau, par une coïncidence curieuse, jeta l'heure précipitamment. Devant la cheminée à haute, dont les houlandiers soutenaient d'énormes bûches mi-consumées, et auraient pu se blottir les sept frères du petit Pousset, des escabeaux, faits à la serpe, se dressaient sur leurs pieds massifs. Dans un billot de chêne fendu et fissuré, un couperet s'enfonçait, d'apparence sinistre. Se rappelant mainte bizarrerie d'humeur de son défunt grand-père, songeant aux nouveaux témoignages qu'il en recevait, escomptant les surprises que lui réserverait peut-être cette hospitalité, Delbon continua sa tournée, conduit par le muet Bernard. Par un escalier démuni de toute rampe, il accéda au premier et se rendit compte que là encore, un même souci d'élégance et d'art se heurtait à une semblable négligence dans l'exécution des détails. « Bernard a raison, » conclut-il, « la mort est venue traverser des projets que l'on n'a pas eu le loisir de mener à bien. » Il entra dans une grande pièce, toute baignée de clair de lune, dont une haute baie vitrée occupait entièrement le fond. Il s'en approcha et s'éjouit, car il était presque impossible d'imaginer plus magnifique et plus fantastique décor. Une extraordinaire symphonie en blanc majeur se trouait, à une centaine de mètres à peine, d'une nappe d'argent liquide. Pris par la magie du spectacle, l'ingénieur ne bougeait pas. Des lointains fonds de sa mémoire, ce coin de nature ramenait des souvenirs de paysages auxquels des circonstances pourtant différentes avaient prêté des apparences toutes pareilles. Et il subissait cette mélancolie profonde qu'éprouve chaque individu à confronter l'image présente avec sa propre image passée. Décidément désagréable et inopportune, une voix, la voix de Bernard, l'arracha à sa contemplation. « Ce lac, c'est le lac de Saint-Point. Vous y pourrez pêcher à l'aise, car une portion de son rivage limite la propriété. Demain, à la clarté du jour, vous verrez qu'il est assez vaste, et sans vous déranger encore, du fait qu'il y a un grand balcon qu'affectionnait le défunt monsieur. » Repris par la réalité, Henri Delbon considéra avec attention le studio dont il pressentait qu'il ferait sa résidence favorite. L'aménagement, l'ameublement Renaissance semblaient authentiques. Il s'arrêta d'abord devant une cheminée monumentale que des artisans du XVIe siècle avaient taillée dans une pierre au grain très fin, peinée de rouge. L'entablement large, armorié, à triglyphes et à métopes, était supporté par la main affrontée de Cariatide, qui de l'autre bras supportait un amour, en foulant aux pieds des grappes de raisin et des pommes échappées de cornes d'abondance. On ne sait pas en vain frotter, fût-ce même avec négligence, au génie artistique des peuples. Delmont admirait, quand Bernard Larchet une fois de plus, non sans une pointe de mépris, à son examen prolongé. Pour sûr que vous pensez au feu que l'on pourrait faire là-dedans. Faut en rabattre, mon cher monsieur. Ça tient de la place, mais en fait, ça ne sert à rien de rien. Nous avons le chauffage central. Bon, bon, fit Henri agacé qui songea. Quelle faute de goût. Il eut une impression semblable en considérant les parois que couvraient de belles boiseries environ jusqu'à hauteur d'homme. Un rayonnage très ordinaire, fabriqué sans doute à la hâte par un menuisier de village, les surmontait, jurant aussi avec les splendides reliures des volumes de tout format qui s'étageaient jusqu'au plafond. Il en tira un, lut au dos, le titre en lettres historiées. Étude comparée sur la corniche, la frise et le chapiteau dans les trois ordres Hélène. En tira un autre, lut encore, de quelques donjons de la Basse-Thuringe, et sourit. Ah, je comprends. Voilà les distractions qui me sont obligatoirement réservées. Ensuite, il s'approcha de la table du milieu. Point à dédaigner, digne de figurer dans une collection, elle était de noyer sur colonnes et colonnettes avec arcades et arcatures élégantes, mais l'étrange objet, posé sur elle, attirait et retenait davantage l'attention d'un profane. Soutenu par une base, dont les angles figuraient dessins, un bras d'argent doré se dressait. La destination n'était indiquée par l'ouverture pratiquée dans la manche à ciselure imitant le velours. On était en présence de l'un de ces curieux reliquaires comme en fabriqua la République des Doges au XVe siècle. Du poing fermé et incliné, dépassait d'un côté le pommeau d'une dague et de l'autre une lame flamboyante à laquelle s'ajustait un candélabre à trois branches de fabrication postérieure. Delbon s'étonna. « Que signifie ? Mon grand-père avait fait installer l'électricité, il usait de chandelles. » Bernard répondit. « Positivement, monsieur. Monsieur dit juste. » Personnellement, feu M. Delorme préférait cet éclairage. Il prétendait que le reliquaire, dont le château tire son nom, porterait chance à ses héritiers et assurerait leur fortune. Des idées, quoi. Mais si monsieur, des fois, voulait essayer, je porterais le candélabre, quoi qu'il soit lourd, dans l'autre pièce, la petite salle à manger, où j'ai servi une collation. Delmont accepta. Entendu. Ce sera drôle et j'ai grand faim. Précédé donc du domestique qui avait allumé la mèche des trois chandelles mi-consumées, il passa dans la pièce voisine et s'attabla joyeusement. L'éclairage un peu vacillant donnait un charme d'intimité, allumait des étincelles blanches sur la porcelaine de Saxe et l'argenterie du couvert, des éclairs roses dans le flacon qui fleurait bon le vin d'Arbois. Le beurrier sentait la noisette et la chair était exquise. Delbon commençait à trouver que l'aventure s'annonçait mieux. Lorsque Bernard lui versait d'un café au subtil arôme et qu'il fut finalement seul, il se sentit fort satisfait. L'instant d'après, il se mettait une cigarette blonde aux lèvres avec l'intention d'aller la savourer sur le balcon. Il se leva, prit son manteau, s'approcha de la porte-fenêtre, frotta son briquet, s'inclina pour approcher la cigarette de la petite flamme bleuissante. Soudain, l'une des vitres s'émietta, une détonation claquait. Une balle, après avoir frôlé la ratine épaisse de son col, s'enfonça dans le mur d'en face. S'il n'avait la seconde d'avant, ô providence des fumeurs, penché légèrement la tête, il se serait, à ce moment, abattu, la gorge trouée. Un long frisson le secoua.